Au début, on voudrait tout faire à la fois. Et puis, surtout quand les enfants sont tout petits, il faut sans cesse s'en occuper. On les prend toutes les 3 heures, ça fait au moins 1 heure toutes les 3 heures. Donc, au début, c'était un petit peu pagaille. Mais si je partais au lycée avant de finir mon travail, c'était une mauvaise nuit de passer, le lendemain, la fatigue qui s'accumulait. Finalement, en ne comptant que sur moi, j'arrivais à planifier mes journées. Et puis après, les enfants grands, ils m'ont aidé. Puis maman est finie. Il ne faut pas comparer, dire le travail à la maison, ce n'est rien. C'est tout autant que le travail à l'usine, si ce n'est plus, puisque une femme veut faire le travail, le ménage, le travail qu'elle a à faire. Que tout soit impeccable à la fin de la journée, c'est pas ça, moi. Et puis à 8 h, je cherchais mon travail, je cherchais le pain, je cherchais le travail, je ramène celui que j'ai fait la veille et je reprends mon travail pour la journée. Et puis à midi, quand mon mari arrive, il est tard, on se met à table, on mange, on débarrasse. Et je me rends au travail. Je fais des vêtements de cuir, spécialement pour l'administration. Le vêtement est terminé. Je le range, le plie. Je le monte surtout un après l'autre parce qu'il ne faut pas mélanger les tailles. émouvant, c'est très beau parce que y a toute leur vie et puis les générations d'avant. Moi, j'avais insisté quand on avait travaillé sur les trajectoires. Quelqu'un est venu travailler sur les trajectoires. Il y a quatre dimensions dans les trajectoires. Il y a la trajectoire formation et profession. Il y a la trajectoire matrimoniale, qui est le divorce, le milieu des divorces. Et les tout est en composition des enfants. Il y a la trajectoire résidentielle, il y a une mobilité, etc. Et il y a la trajectoire santé. Personne ne parle. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Il est mort, mon père est mort, etc. Toutes les bifurcations se font sur des choses comme ça, parce qu'on est effectivement encore dans une famille élargie, mais quand même, ça compte encore aujourd'hui. L'accident du mari, des choses comme ça. Mais on n'est jamais dans le registre de la plainte. Ces femmes ne se plaignent pas, jamais. Merci de reconnaître. Alors, bon, on va dire, elles ont une conscience collective. Bon. Non, mais en tout cas, ce n'est pas de la plainte. Elles décrivent avec précision ce qu'elles font. Mais elle ne se... Je ne parle pas comme nous. Alors que nous, on passe le temps. Je ne sais pas. Moi, en particulier. Oui, moi aussi, alors. Non, mais c'est vrai qu'elles sont... c'est très beau. C'est émouvant. Le langage aussi. Oui, c'est le langage. Le langage du sud-ouest, là, qui ressemble un petit peu au Kazakhstan. Oui. Qui est parlé, articulé, très bien le français. J'étais étonnée de voir la richesse de vocabulaire des gens. C'est la belle France. Par jour, oui, parce que j'ai fait travailler avec les étudiants, ils étaient passionnés. C'est eux qui trouvaient, ils n'avaient même pas vu que leur tante, leur grand-mère, ils faisaient du travail à domicile. Et on a fait tous les calculs de la journée de travail, des graphiques pour savoir comment s'articulaient les plages, etc. En fin de compte, elles ont une journée de 16 heures. Et on n'avait pas du tout prévu ça. C'est quand on a fait les normes. C'était absolument cette régularité. Et vous avez vu qu'elle se met sa blouse comme si elle allait au travail. C'est des dames de qualité. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu au Radour. Radour, c'est un plan qui a brûlé. Et moi, bon, sur moi, parce que pour d'avoir familial, j'y suis allée. Et il y a 20 ans, je ne sais pas si c'est encore comme ça, les deux choses qui sont extrêmement frappantes à au Radour, en dehors du fait que c'est brûlé, c'est qu'ils restent dans les maisons, enfin dans les carcasses des maisons, les carcasses des machines à coudre et les carcasses des vélos. C'est-à-dire les deux choses qu'on voit. C'est dans toutes les maisons, quasiment toutes les maisons, on voit, parce que je sais pas, elles ont pas dû, enfin ça ne doit pas brûler, les machines à coudre, j'en sais rien. Et donc on voit ces trucs, enfin on devine les maisons puisqu'elles sont brûlées. Et enfin, je ne sais pas s'ils ont laissé ça comme ça, ça fait 20 ans ou 30 ans que je n'étais pas là, enfin mon enfant, j'allais sur. Et on voyait ça, c'était vraiment la chose la plus impressionnante. Parce que c'est la seule chose qui demeurait de la vie. Et dans quasiment toutes les maisons, il y en a. Parce que c'était des femmes qui travaillaient à domicile, hein. c'était du travail à domicile, c'était répandu dans cette région-là. C'est le vélo pour aller chercher. Et alors le vélo, je ne sais pas, c'est peut-être pour les hommes, j'en sais rien, mais moi je me souviens de ça, les machines à coudre et le vélo, c'est les deux choses qu'on voit là. Et c'était du travail à domicile, j'en suis sûre. les femmes travaillaient chez elles, enfin travaillaient à domicile. En Corée ? Non, c'est en Europe. Oui, enfin, c'est à côté. Pas du tout. C'est la Vienne, là où Vienne. Sauf sur le prix. Sur la quantité, en fait. Sur la quantité. Et comme c'est le temps alloué, à chaque fois qu'elles ont un nouveau modèle, c'est pour elles l'organisation du travail. Madame Sirven, elle a un temps plus long de rush, puisque je fallait monter en 5 minutes, mais elle explique très bien qu'elle faisait des petits dessins pour apprendre à commenter la nouvelle pièce. Bon. Ça, c'est du temps perdu dans le. C'est pas pris en compte dans le salaire. Alors, elle peut mettre plus de temps et il me semble, je ne sais pas, comment vous l'interprétez, le fait qu'elle dise toutes, je ne sais pas trop, je sais que je n'aime pas le SMIC, je sais que je n'y passe beaucoup de temps, mais elle n'a pas en tête du tout quand elle dit que ça va 20 euros, ça va 20 euros. Est-ce qu'elles produisent beaucoup d'un même modèle aussi ? Est-ce que ça change ? Ça change justement. Ce qui est fabriqué en usine, c'est beaucoup plus répétitif. C'est à elle qui a travaillé. Oui, les choses qui changent. Les poignées compliquées. C'est ça qui est étonnant. Et en même temps, ça leur donne une valeur aussi. Parce que quand elle dit qu'ils sont beaux, c'est vrai. Oui, travailler pour l'administration. J'ai appris ça à l'image concept. Il faut bien avoir quelque chose. Et je crois que c'était une image concept dans la mesure où, dans le même plan, pas un plan, dans le même plan, à la limite, un plan séquence, mais dans le même plan, on voit un enfant ou une grand-mère, on voit, oui, ça suffit, la charge familiale. C'est-à-dire, ça dit, le travail à domicile, c'est le fait de l'enfant, c'est ça qui construit la valeur. Non seulement il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de bassin d'emploi, mais ça construit cette manœuvre. Parce qu'en même temps, alors on va tirer, on est en zone rurale, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de ramassage de cartes, vous imaginez donc. Mais comment elles font pratiquement ? Et il y a très peu d'aide pour les grands-parents âgés. Faut voir ce que l'État s'est déchargé sur ce qu'on a appelé, là, j'ai écrit aussi sur les générations pivots, qui tenaient les enfants, les grands-parents, trois générations, et c'est les femmes. Je compare une femme aussi. Les hommes, ils invitent à dîner leur grand-mère le dimanche. C'est tout. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Le quotidien, le soin, le machin, le harcèlement, parce qu'elles sont harcelées, des fois, les femmes, par les grand-mères. Bien, je ne peux pas dire. Donc, oui, l'enfant, bien sûr, on peut pas. J'ai refait aussi, avec tous les rushs, parce qu'il y a eu 31 portraits de travailleurs ici, avec 4 réalisateurs. C'est passé sur Arte en 89. Et moi, j'avais eu la chance, on m'a demandé, en plus d'être conseillère, de réaliser les 3 portraits. Donc j'avais le meilleur caméraman, et donc j'ai fait elle, j'ai fait l'IGN qu'on voit après, et c'était le début du télétravail. Et les gens disaient, le télétravail, ils n'auraient jamais vu à 80. 80, on a commencé le télétravail. Et maintenant, vous devez recevoir ça aussi sur vos mails, travail à domicile, les propositions de travail à domicile. Et la forme call center, c'est la forme travail à télétravail, mais au lieu d'être chez elle, on ne peut pas contrôler. Et là, c'est un hyper contrôle. Vous avez vu les films là-dessus, c'est un contrôle démentiel. Démentiel. Et tout est chronométré. Je crois qu'il n'y a pas de pilier. On est arrivé à un maximum. Je me demandais, le bruit qui est omniprésent, puis assez fort quand même. C'est la machine. Oui, bien sûr, mais c'est, comment dire, c'est proportionnel, en fait, c'est, ou c'est le cinéma. Non, c'était vraiment comme ça. Ah oui. Moi, c'est-à-dire, c'est un bruit. Je n'ajoute rien. Ouais. Justement, quand j'ai enseigné l'image, toujours le son réel. Jamais des petites histoires. Oui, c'est toujours le son réel. À la limite, vous avez vu que dans le portrait de Madame Cervelle, il y avait un ingénieur du son, et pour que ce soit un peu chic pour Arte, il fallait faire un petit travail sur le son, un petit travail sur l'image. Donc ils ont fait des fondus, c'est débile quand même, des fondus. Maintenant, je fais ça avec mon ordinateur. C'est assez joli parce qu'on a une impression, quand même, qu'il fallait donner la